Ovide, les Pontiques, traduction 1838, sous la direction de Monsieur Nisard, livre 1, lettre 7, à Messalinus. Cette lettre, Messalinus, est l'expression des vœux que je t'adresse du pays d'Égypte, et que je t'adressais autrefois de vive voix. Reconnais-tu, au lieu d'où elle vient, celui qui l'a écrite? Ou bien faut-il que tu lises le nom de l'auteur pour savoir enfin que ces caractères ont été tracés par la main d'Ovide? Quel autre de tes amis se trouve ainsi relégué aux bornes de l'univers si ce n'est moi, moi qui te conjure de me regarder toujours comme des tiens? Fassent les dieux que ceux qui t'aiment et qui t'honorent ne connaissent jamais ce pays. C'est bien assez que moi seul j'y vive au milieu des glaces et des flèches des Scythes. Si toutefois on peut appeler vie, ce qui est une espèce de mort. Que cette terre réserve pour moi seule les périls de la guerre, le ciel, sa température glaciale, le jet, ses armes menaçantes, et l'hiver, ses frimas. Que j'habite une contrée qui ne produit ni fruits, ni raisins, une contrée où l'ennemi ne cesse de nous inquiéter de toutes parts, pourvu que le reste de mes nombreux amis, parmi lesquels j'occupais, comme dans la foule, une petite place, soit à l'abri de tout danger. Malheur à moi si mes paroles t'offensent, si tu nies que j'aie jamais possédé le titre que je réclame. Cela fût-il, tu devrais me pardonner ce mensonge. Car ce titre dont je me glorifie n'ôte rien à ta renommée. Qui ne prétend être l'ami des Césars, uniquement parce qu'il les connaît? Et la même indulgence, après mon aveu, et pour moi, tu seras César. Cependant, je ne force pas l'entrée des lieux qui me sont interdits. Convient seulement que ta maison me fût jadis ouverte, et mon orgueil sera satisfait, quand il n'y aurait pas eu d'autre rapport entre nous. Cependant, les hommages dont tu es l'objet aujourd'hui comptent un organe de moins qu'autrefois. Ton père lui-même n'a pas désavoué mon amitié, lui qui m'encouragea dans mes études, et qui fut ma lumière et mon guide, à qui j'ai offert à sa mort, et comme un dernier honneur, mes larmes et des vers qui furent récités dans le forum. Je sais aussi que ton frère me porte une amitié aussi vive que celle des fils d'Atrée et des fils de Tindare. Lui aussi n'avait pas dédaigné de me choisir comme compagnon pour son ami, et tu ne crois pas, j'imagine, que cet aveu puisse lui faire du tort autrement. Je consens à reconnaître que sur ce point-là encore, je n'ai pas dit la vérité. Dût votre maison entière m'être à jamais fermée. Mais il n'en sera point ainsi, car enfin il n'est pas de puissance humaine capable d'empêcher qu'un ami ne s'égare quelquefois. Cependant, comme personne n'ignore que je ne fus jamais criminel, ainsi puisse-t-il être reconnu que je n'ai jamais été coupable. Si la faute était tout à fait inexcusable, l'exil serait pour moi une peine trop légère. Mais celui à qui rien n'échappe, César, a bien vu lui-même que mon crime n'était en effet qu'une imprudence. Aussi m'a-t-il épargné, autant que ma conduite le lui permettait, autant que mon erreur lui en a laissé la faculté. Il s'est servi avec modération des feux de sa foudre. Il ne m'a ôté ni la vie, ni les biens, ni l'espérance du retour, si vos prières parviennent un jour à désarmer sa colère. Mais ma chute a été terrible. Et qu'y a-t-il d'étonnant? L'homme frappé par Jupiter n'en reçoit pas de médiocres blessures. Achille voulait en vain comprimer ses forces. Les coups de sa lance étaient désastreux. Ainsi, la sentence même de mon juge m'étant favorable, il n'y a pas de raison pour que ta porte refuse aujourd'hui de me reconnaître. Mes hommages, je l'avoue, n'ont pas été aussi assidus qu'ils devaient l'être, mais cela sans doute était encore un effet de ma destinée. Il n'est personne cependant à qui j'ai témoigné plus de respect, et soit chez l'un, soit chez l'autre, je sentis toujours les bienfaits de votre protection. Telle est ton affection pour ton frère, que l'ami de ce frère, en admettant même qu'il ait négligé de te rendre hommage, a sur toi quelque droit. De plus, si la reconnaissance doit toujours suivre les bienfaits, n'est-il pas dans ta destinée de la mériter encore? Si tu me permets de te dire ce que tu dois désirer, demande au Dieu de donner plutôt que de vendre. C'est ce que tu fais, et autant qu'ils m'en souviennent, tu avais la noble coutume d'obliger le plus que tu pouvais. Donne-moi, Messalinus, donne-moi une place, quelle qu'elle soit, dans ta maison, pourvu que je n'y paraisse point comme un intrus. Et si tu ne plains pas Ovide parce qu'il est malheureux, plains-le du moins d'avoir mérité de l'être.